Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, Jacques Ferron. Mon oncle était un excellent conteur, et il y avait partout d'excellents conteurs. Les gens se réunissaient, ils n'étaient pas cultivés, mais ils causaient bien, ils comptaient bien. Le conte, je l'ai trouvé, moi, oral, je l'ai transcrit. Je l'ai transcrit parce que je ne comptais pas. Si j'avais pu compter aussi bien que ces gens-là, je n'aurais pas écrit. Il faut être cinglé pour écrire. C'est ennuyeux, c'est plate à mort. On est tout seul. Écrivain, médecin, politicien à sa manière, Jacques Ferron raconte à l'émission Les héros de mon enfance en 1969 l'importance qu'ont eu les conteurs de son enfance, justement, dans le goût qu'il va développer pour l'écriture. Fondateur du Parti Rhinocéros, médiateur lors de la crise d'octobre en 1970, médecin en milieu défavorisé, puis en milieu psychiatrique, Jacques Ferron reste aussi et probablement surtout l'une des plumes les plus marquantes de la littérature québécoise du 20e siècle. Gérard Godin, Jacques Ferron, c'était un écrivain engagé. Pour vous, c'est ce qui reste dans votre souvenir? Non, c'était plus que ça. C'était le druide du Québec. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le druide, ben, comme assurance historique, c'est-à-dire celui qui savait tout du Québec, la petite histoire comme la grande. C'était une encyclopédie vivante du pays, en fait, et qui, à partir de commérages qu'il collectionnait, tirait des leçons universelles de ce qui se passait au Québec et connaissait les classes sociales du Québec mieux que personne. Donc, au-delà de l'engagement politique, il y avait un engagement, je dirais, dans la profonde fibre du Québec qui faisait de lui un écrivain irremplaçable. Je pense pas que personne ait la même profondeur de connaissance du Québec que lui, en tant que médecin dans les régions gaspésiennes, en tant que médecin aussi à Longueuil, où il est en contact avec, je dirais, le cœur profond du Québec, le Québec profond, comme on dit. Alors, c'est un gros morceau qui est parti. C'est un des meilleurs. L'écrivain et homme politique Gérald Godin qui rend un sacré hommage à son ami Jacques Ferron au micro de Louis Martin à l'émission présente le 23 avril 1985, le lendemain de la mort de Jacques Ferron. Pour nous parler de la vie et de l'œuvre de Jacques Ferron, je reçois Jean-François Nadeau, historien, journaliste au Journal Le Devoir. Jean-François Nadeau, bonjour. Bonjour. Il est multiple, c'est un homme multiple, Jacques Ferron. Il est médecin, il est politicien à sa façon, il est bien sûr écrivain. Qui est-il? Pour vous, qu'est-ce qui le définit d'abord et avant tout? Moi, Jacques Ferron, je ne l'ai jamais connu. C'est une des grandes tristesses de ma vie. J'aurais pu le connaître encore assez jeune, comme j'ai connu d'autres écrivains. Et c'est pour moi, c'est littéralement l'étoile qui guide un peu la direction que la littérature québécoise va prendre. Il a une connaissance infinie de la société québécoise. Gérald Godin l'a bien noté, certainement. Il peut aussi bien se promener dans la littérature de la vieille France, qu'il connaissait parfaitement bien, que dans des écrits religieux. Je viens d'avoir lu une explication de lui disant qu'un de ses très célèbres contes, il le devait en partie au Dictionnaire des quatre consciences de l'abbé de Pontas. Oui. Hein, personne lit ça, sauf lui, mais si bien qu'on a envie d'aller lire par derrière. Mais clairement, il s'agit. L'homme de lettres, pour vous d'abord et avant tout, c'est un homme de lettres, mais avec une connaissance dans ses écrits. On a plusieurs couches de savoir. On a la littérature qui est là. C'est ce qui... On a affaire à un écrivain, très certainement. Mais on a, sous ça, plusieurs couches qui nous renvoient à la réalité du monde social dans lequel il est, à la réalité linguistique, à la réalité politique, au monde sensible des choses. Il y a quelque chose qui est proprement divin chez lui, c'est ce rapport presque avec le surnaturel. Hein. Il est comme les premiers poètes qu'on a eu ici, la génération de Miron, Godin, exactement tout ça. Ils appartiennent à une génération qui réussit à transmuer ce langage oral dans une littérature. Hein. Ils font débloquer quelque chose. Ils font céder une embâcle, littéralement. C'est l'embâcle de la parole qui tombe avec ces gens-là. Et pour vous, c'est un des plus grands. Pourquoi? Parce que son œuvre est absolument protéiforme. Il n'y a pas un genre à peu près qu'il n'a pas touché. Il en invente même, je dirais. Il est historien à sa façon, ce qui, moi, bien sûr, comme historien, me plaît beaucoup. Il a fait des contes presque fabulistes avec l'histoire, mais qui sont fascinants, avec des interprétations qui sont parfois très, très riches dans ses historiettes, bien sûr, dans ses escarmouches, dans toutes sortes de lettres aux journaux, des milliers de lettres aux journaux, dont plusieurs ont été colligées dans la suite des choses. Ce rapport très charnelle aussi à la vie d'ici, où on réussit à partir d'une enfance fabuleuse, réincarnée dans sa plume, à revisiter le Québec, à revisiter bien sûr à la fois les classes sociales, mais le monde vibre sous sa plume. Et c'est un monde qu'il connaît bien. Gérald Godin le disait, vous le rappeliez aussi. Une connaissance profonde, une écriture, mais derrière cette écriture, une connaissance profonde du Québec qui s'appuie, vous me corrigerez, mais en partie par sa pratique de la médecine. C'est là qu'il... De quelle manière se nourrissent ces deux pratiques de l'écriture et de la médecine? De quelle manière cohabitent ces deux hommes, Ferron l'écrivain et Ferron le médecin? Bon, d'abord, il vient pas d'un milieu pauvre. Il faut voir la maison de la famille à Louisville. C'est une immense maison. C'est un notaire, son père, qui vient bien sûr d'origines qui sont plus campagnardes. Mais il y a l'univers des chevaux déjà, l'univers de cette vie de village qui est beaucoup plus riche qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Il y a une vitalité dans des villages ou dans des villes de seconde zone qui sont difficilement compréhensibles aujourd'hui par rapport à ce que ça l'était à l'époque. Donc, on est le fils d'un notaire. Alors là, il y a là quelque chose qui est important. On va l'envoyer aussi étudier chez les Jésuites. Il va étudier à Brébeuf, où il va être mis dehors deux fois. On va le récupérer in extremis. Il est de cette génération et il fréquente aussi, de près ou de loin, des gens comme Pierre-Éliott Trudeau. Oui. Il va connaître Pierre Vadeboncœur, qui est un immense écrivain aussi que j'adore. Donc, on est dans une génération de lettrés et avec des gens qui ne sont pas n'importe qui. Donc, là, un milieu d'origine aisé, mais une pratique, je reviens à ça, médicale, qui va le conduire dans la misère humaine ou presque, et qui va nourrir son écriture. Ben, il veut aussi, il le dit comme ça, littéralement, j'ai épousé la médecine parce qu'elle va me permettre de prendre la littérature comme maîtresse. Ça va financer un peu mon amour véritable qui est celui de la littérature. Il va étudier à l'Université Laval. Lorsqu'il sort, il choisit un pays littéralement qui est la Gaspésie, qui est par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, à 1000 miles de toute terre habitée littéralement. La Gaspésie, c'est un univers qui est très chargé de sens culturel à l'époque. Beaucoup de peintres vont aller là-bas aussi. Il n'y a pas quelque chose de froid à l'idée de choisir la Gaspésie. On imagine, par exemple, que André Breton va se réfugier en Gaspésie. C'est là où il écrit Arcane 17, qui a là un intérêt particulier que les automatistes aussi vont découvrir dans la Gaspésie. Je ne pense pas que ce soit pour rien. Il y a quelque chose qui l'intéresse dans la parole en Gaspésie. Il y a quelque chose de pur, semble-t-il, qu'il va entendre tout de suite et qu'il cherche à reproduire dans son écriture. De la même façon, un peu que dans les films de Pierre Perrault, à la fin des années 50, on découvre les gens du fleuve, la parole du pays qui émerge à travers la littérature ou à travers le cinéma. Mais sans en faire une obsession, Jean-François Nadeau, encore une fois, cette misère qu'il côtoie dans sa pratique médicale, est-ce que ça le nourrit d'une façon ou d'une autre dans son écriture? Est-ce que ça nourrit cette connaissance du Québec dont parlait Godin? Oui, absolument. Bien sûr, il va en disquer littéralement beaucoup d'expériences, beaucoup d'anecdotes, un peu comme le front des ethnologues à la même époque dont il est passionné aussi. Il lit à peu près tout ce qu'il peut trouver sur les monographies de village, les petites histoires. Il est un des premiers à utiliser à plusieurs reprises, par exemple, cette révolte des pêcheurs qui a lieu en 1909. Donc, il va en faire en Gaspésie, dont il va faire mention à plusieurs reprises dans différents livres aussi. Il y a plusieurs des personnages qu'il côtoie qui sont là. Ça lui donne aussi un côté sensible, extrêmement sensible, notamment à l'égard des femmes. L'accouchement, la sage-femme, la présence de la sage-femme sur un territoire comme celui-là, ça le sensibilise à une réalité qui est profonde, qui complète admirablement une formation qui autrement flotterait dans les airs, littéralement. Parlons de la langue si importante pour Ferron. On va parler de sa propre langue, de son écriture dans un instant, mais je vous propose d'abord de l'écouter, nous parler de la question de la langue, de la question linguistique, le français au Québec, extrait de l'émission Horizon en 1970. Les Français, on en a contre eux parce qu'ils parlent mieux français que nous. Enfin, le bilinguisme, et surtout le bilinguisme de deux langues similaires qui ont le même âge, même bibliothèque, c'est un bilinguisme qui ne peut pas durer longtemps. Ça indique un état de transition. Mais ici, à Montréal, où nous avons une situation qui est une ville frontière où la langue est polluée, il y a une lutte à faire. Et le joual, par exemple, qu'ont écrit certains écrivains, C'est une langue tout à fait ambivalente. Et là, on voit que le joual mène à l'anglais. Et de l'autre côté, ça peut être une façon aussi de revenir au français. Parce qu'il y a eu un acte manqué dans notre apprentissage du français. Nous parlons le français la première partie du XVIIe siècle, avant les lexiques et les grammaires. Et il est normal que nous le réinventions. Le français sera à nous lorsque nous l'aurons réinventé. Mais il faudra de préférence réinventer un français qui soit compris partout dans le monde. Quelle vision a Jacques Ferron de la situation de la langue au Québec, Jean-François Nadeau? Ben pour lui, il y a un combat. Il y a un rapport politique, très certainement, avec la langue. Lui-même ayant refusé d'apprendre l'anglais tout le temps, même si son père avait dit qu'il vaut mieux apprendre l'anglais, il va se retrouver dans l'armée où on ne va pas le garder, notamment parce qu'il est incapable et tout se passe en anglais. Donc, si on est un médecin dans l'armée, on est officier, il faut s'attendre expressément à ce moment-là dans l'armée canadienne à devoir vivre en anglais, ce qui n'est pas possible pour lui. Effectivement, cette théorie-là qu'il exprime, il va la répéter souvent par écrit, avec un ton qui est beaucoup plus joyeux. Hein. Quand on l'écoute, il y a un côté qui est un peu terne dans sa parole, un peu la parole traîne, alors que c'est pas du tout ça. C'est vif, c'est plein d'esprit, c'est une sorte de Voltaire ricaneur dans la prose écrite. Hein. On l'a appelé d'ailleurs le Voltaire du Québec. Pourquoi? Notamment parce que sa correspondance est absolument inouïe. Oui. Ses lettres et journaux, il fait flèche de tout bois. Il y a quelque chose de voltairien dans son écriture où il associe des choses parfois qui sont assez étonnantes et qui finissent par faire sens. Parfois, ça semble glisser un peu. Il était absolument convaincu que cette théorie du bilinguisme canadien était une erreur, dans la mesure où deux langues aussi matures que le français et l'anglais ne pouvaient exister qu'à condition que l'une piétine l'autre un jour ou l'autre. Oui. Que ça pouvait avoir du sens, le bilinguisme, dans la mesure où il y avait une langue qui était traitée en inférieur, essentiellement, mais qu'il ne pouvait pas y avoir deux systèmes qui vivaient et se développaient, du moins sur le même territoire, au même moment, sans que ça entraîne des conséquences très graves pour ceux qui en étaient les porteurs. Alors, l'auteur, évidemment, il est important. On en a parlé déjà pas mal avec vous, mais il est tellement plus que ça. On a un petit peu évoqué son expérience de médecine en Gaspésie. Il va travailler aussi dans un milieu défavorisé sur la rive sud de Montréal. Parlons du médecin, du docteur Ferron. Qu'est-ce qui l'amène à la médecine? Et quel type de médecin il est aussi? On le voit, par exemple, dans Pierre Vallière, dans Nègre blanc d'Amérique, où il en parle un peu. Et Vallière, moi, m'en avait parlé aussi. C'était pas un grand médecin. C'était un médecin de son époque, un médecin généraliste, comme on en trouvait dans des villes et des villages. Donc, il pouvait, tout en vous parlant d'autres choses, tout d'un coup, vous crevez un abcès sans vous expliquer ce qu'il était en train de faire, d'une façon un peu dépassée aujourd'hui, semble-t-il. Il était passionné par toutes sortes d'expériences. Il a expérimenté sur lui-même aussi, semble-t-il, un certain nombre de médicaments avec des conséquences plus ou moins fâcheuses, bien sûr. Il était fasciné par ce rapport psychiatrique qu'on peut avoir aux maladies physiques, physiologiques aussi. Donc, c'est un médecin qui va pratiquer toujours dans des lieux assez particuliers. La Gaspésie, on l'a dit tout d'abord. Puis ensuite, Ville-Jacques-Cartier, qu'on a oublié aujourd'hui, qui a été annexé à Longueuil, qu'on appelait aussi Longueuil annexe, d'une certaine façon, qui est une ville extrêmement pauvre, là où vivent beaucoup de gens, beaucoup de felkistes. D'ailleurs, vont se retrouver là, des familles de felkistes. Il les connaît pratiquement tous. On a dit Vallière d'abord, mais Rose, Francis Simard, ce sera donc le médecin de ces jeunes gens qui appartiennent à une génération bouillante, qui réclame des changements rapides, qui dépassent strictement le seul cadre du renversement d'un parti politique grâce à une élection. Oui. Hein? Donc, il est littéralement le médecin d'une génération de felkistes dans un lieu particulièrement pauvre. C'est le bidonville de Montréal. Et je le dis sans exagération, c'est quelque chose de très particulier. Et on y reviendra au rôle qu'il aura comme médiateur dans cette négociation avec une partie des felkistes durant la crise d'octobre de 1970. Mais puisqu'on parle de politique, parlons de cet aspect aussi qui fait partie de Ferron, de ce qu'est Jacques Ferron. Comment il glisse? C'est par l'écriture, d'abord, qu'il s'engage politiquement. Ben, il y a quelque chose de provocateur chez lui, hein, de proprement voltairien. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, on est ici dans une immense chasse au communisme. De la même façon qu'on trouve aux États-Unis le macartisme, il y a ça ici aussi. Hein. On n'a qu'à penser à l'univers de Duplessis où on voit partout des communistes, des complots, toutes sortes de choses extravagantes qui, évidemment, ont peu rapport avec la réalité. Alors, quand beaucoup de gens se plaignent des mots sociaux, sociaux en les imputant à des communistes, Ferron va être un des premiers à plaider qu'il est communiste, ce qui va faire en sorte qu'il va être arrêté. Et par sa sœur aussi, la peintre Marcel Ferron, il est en contact, il est mis en contact très rapidement avec un milieu extrêmement libre qui est celui de Bordua, hein, de Paul-Émile Bordua, du refus global, de cet univers où il va côtoyer Claude Gauvreau, dont il parle par exemple dans un très beau livre qui s'appelle « Du fond de mon arrière-cuisine » qui a été réédité aujourd'hui, où il y a un très beau, tout un chapitre qui est consacré à cette figure de Claude Gauvreau, qui est le lieutenant des automatistes, littéralement. Alors, il est en prise avec un courant qui est assez avant-gardiste pour l'époque. Et donc, prise de position très, très cinglante dans les journaux anti-duplessistes. Il va poursuivre dans l'action politique plus concrète. Il sera candidat pour différents partis. Puis il aura cette idée, en 1963, de fonder le parti Rhinocéros. On l'écoute en parler à l'émission Partage du jour, le 8 novembre 1963, justement. Comme je dis, c'est un parti fédéral, mais en fait, Facette, il a surtout deux cornes, parce que nous avons choisi le rhinocéros africain, deux cornes pour le symbolisme, deux langues, deux traditions et si possible deux religions. Est-ce qu'il y a des points, n'est-ce pas, sur lesquels là vous êtes absolument aux opposés, aux antipodes des autres partis politiques, ou si c'est un autre parti politique comme les autres partis politiques? Nous prenons ce qu'il y a de mieux dans tous les partis politiques. Par exemple, nous sommes du parti libéral, nous prenons la bombe atomique. Nous sommes en faveur de la bombe atomique. C'est un parti qui se tient à droite, à gauche. C'est un parti... C'est une synthèse, monsieur. La gauche, la droite, ce sont des notions dépassées. Alors, pourquoi ils fondent ce parti? Oui, c'est rigolo. Pourquoi ils fondent ce parti Rhinocéros en 63, Jean-François Nadeau? Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Évidemment, il ne pense pas un mot de ce qu'il vient de dire. Ouais. Hein, pour lui, il y a une espèce de cul-de-sac dans la politique fédérale qu'on peut dépasser par l'humour, par l'absurde, en montrant à quel point tous ces partis-là finissent par se ressembler, à s'opposer les uns les autres dans un jeu de surplace infini qui mène à une mort certaine. Hein. Alors, donc, il prend la figure du rhinocéros de Dürer, c'est ce symbole-là qui va être utilisé, donc un vieux symbole. Il le remplit de toutes sortes de choses qui sont un peu extravagantes, un peu invraisemblables, mais c'est pas l'absurde parti rhinocéros qu'on va connaître à la fin du 20e siècle. Il y a quelque chose de très politique. Faut pas oublier que son beau-frère, c'est Robert Clich. Hein. C'est l'avocat Robert Clich, qui est le mari de sa sœur Madeleine, qui est aussi une très, très bonne écrivaine, hein, qui a beaucoup écrit sur la Beauce. C'est quelqu'un qui, on le voit aujourd'hui dans sa correspondance, a une réflexion à la fine pointe de ce qui se passe dans la vie politique à l'époque. Ils sont en correspondance, comme on l'est aujourd'hui, par exemple, avec Facebook. Ils s'écrivent absolument tous les jours, mais de très longues lettres, très développées, sur quels sont les mots du Québec, qu'est-ce qu'on doit penser de telle revue, qu'est-ce qu'on pense de tel article dans Parti pris. Il y a là une réflexion très, très fine où on est engagé très à gauche, hein, d'abord auprès d'instances qui rappellent, Ferron s'en moque un peu, mais ce qui va être le NPD dans la suite des choses, puisque Robert Clich est très près de ça. Ferron se moque un peu de ça, mais quand Ferron va être aussi candidat aux élections de 1966 pour le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Il a rencontré Pierre Bourgault, il l'a entendu dans une assemblée sur la Rive-Sud, il dit « J'ai trouvé un orateur ». Ce qui va pas l'empêcher plus tard, dans la suite des choses, de traiter Bourgault d'homme au petit couteau, tentant, la petite lime à ongles, tentant d'assassiner René Lévesque. Il va être très, très libre. C'est un personnage immensément libre. C'est ce qui, en politique, le rend absolument imprévisible et d'autant plus fascinant. 70, on y revient. On l'a un petit peu évoqué. Vous disiez, c'est le médecin de famille au fond d'un bon nombre de felkistes. En 70, c'est la crise d'octobre. Jacques Ferron va servir d'intermédiaire auprès des felkistes Francis Simard et des frères Rose, Paul et Jacques Rose. On l'écoute raconter son expérience au micro de Jean V. Dufresne à l'émission Présent en janvier 1971. Là, nous étions en présence de personnes qui avaient commis un délit, mais on a voulu, tout en condamnant et tout en les appréhendant pour ce délit, les traiter comme des hommes. Et c'est comme ça que j'ai compris ma négociation. Et vous êtes trouvé devant des hommes quoi? Soulagés, désespérés, fatigués, battus, défaits, sereins? Absolument pas. Vous savez, durant 3 mois, ces gens-là ont fait une lutte qui, pour des gens comme nous, n'aurait pas été possible. C'était une lutte qui a demandé un courage incessant. C'est comme après un combat. Il n'y a pas beaucoup de différence entre un vainqueur et un vaincu. Chacun a fait sa lutte, chacun a fait sa lutte de son mieux. On est content que la lutte soit finie quand on l'a bien faite. Alors c'est de cette façon que les roses sont sorties du trou. Ce n'étaient pas des vaincus. Et les policiers n'étaient pas... il n'y avait aucun sadisme de la part des policiers à lutter contre ces gens-là pendant 3 mois. Ils avaient appris, si je puis dire, à les respecter. Alors comment Ferron se retrouve médiateur au cours de cette crise d'octobre et quel rôle il va avoir, quelle importance il aura dans le dénouement? Tous les livres sur Jacques Ferron disent qu'il a été choisi comme négociateur. La vérité, c'est un peu différent. Francis Simard, qui est au nombre des gens qui sont dans le trou, là, qui veulent négocier, me racontait dans la suite des choses que ce n'est pas le premier choix qu'ils ont eu. Hein. Il y a eu un certain nombre de noms, puis l'idée d'avoir le médecin qui avait dit leur médecin de famille est venue. Ferron a une appréciation de la crise d'octobre qui est très personnelle et très discutable. Je veux dire. Il est si intelligent et si vif que son esprit part dans par moments, ce qui peut ressembler un peu à des hallucinations sur la crise d'octobre, très certainement. Ces hypothèses sont si riches et si nombreuses qu'elles finissent par créer un monde dans lequel lui seul, peut-être, peut se reconnaître. Mmh. Ça fait de la grande littérature, bien sûr. Il n'est pas sûr qu'en histoire, ce soit toujours très, très heureux. Oui. Reste que ses livres sont absolument prodigieux. Ses contes sont inégalés absolument dans ce qui existe dans notre littérature. Et ses romans comptent parmi ce qu'il y a de plus grand aujourd'hui. Et il va mourir... probablement qu'il se suicide, il y a encore un flou, mais en fait, une dernière question sur l'homme qui sera tourmenté toute sa vie. Comment, en quelques secondes, Jean-François Nadeau, résumer cet homme, l'homme intime? C'est un homme extrêmement sensible, on le voit dans son écriture, peut-être parce que sa mère est morte très très jeune, qu'il n'a pas connue, comme il le dit, qu'il voulait être à sa hauteur, un père disparu très jeune aussi, formation très particulière, un milieu extrêmement classique, aux prises avec une volonté de rendre compte d'un monde populaire auquel il n'appartient pas a priori. Il y a là beaucoup, beaucoup de différences chez cet homme-là qui peuvent finir, si je puis dire, par provoquer une sorte de condensation qui est difficile à supporter dans l'intérieur d'un homme. Jean-François Nadeau, historien, journaliste au Devoir. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Jean. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Martin Lavoie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.